Rimkoff, en direct d'Atlanta. Hall 13. Vitry. Monster. On vient des HLM, mais on l'a pas choisi. Qu'on dit nique ta mère, c'est par courtoisie. Fou. Je suis jamais en tôle comme Sarkozy. Je quitterai la ville en Kawasaki. Discutant avant vous, j'ai fait les gros sous. Avant vous, je leur cache la vue. Dans un gros gars monstre au milieu des fachos, on l'a vendu. Une décennie que j'ai pas pris le bus. Je me barre du hall, dans le premier vol. Batte de baseball, Spartacus. Mon bouclier c'est une parabole. J'ai le même cartel, les mêmes casse-têtes. Pas de red carpet, pas de solfège. J'ai un petit problème, Texas Hold'em. Il me faut juste un jeton et un siège. Les billets sont tachés d'encre. Tu l'ouvres, on casse tes dents. J'ai vendu mes premières barrettes, j'ai écrit mes premières punchlines sur le même bord. Est-ce que l'aise où j'ai subi la rouille en bas du hall, toujours en vadrouille. Dans les sales coups, on m'a pris pour un aïeul. Je me suis battu pour mon petit Bouddha alone. J'ai fréquenté les pires quartiers, Vitry, Alger, Béjaïa, Warlan. J'aurais pu mourir un million de fois dans une embuscade sur un faux barrage, amigo. J'arrive au club dans une berline. Toto la dîne à livre sterling. Elle aime la chicha, elle veut un selfie. Elle aime l'argent Silva. Bouteille à 2000 euros sur la bleuta. Son boulet bombé, la main d'elle bouffe. J'suis pas là pour te raconter un roman. Mon V12 c'est un torpille volant. We bought that ass. Shit, we bought that ass. Shit, we bought that ass.